cours numéro 3. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى المجلس الثالث في ذكر العشر الأوسط من شهر رمضان وذكر نصف الشهر الأخير. On continue la lecture de ce chapitre في الصيام du livre de l'imam Nurajab rahimahullah, la Ta'if ou le Ma'arif. Et on est arrivé au troisième majlis, après avoir cité dans le premier majlis la première assise des bienfaits du Siyam, thumma dans la deuxième assise, al-jud wa tilawat al-Qur'an, fi hadha al-shahr, et la générosité et la lecture du Qur'an. Dans la troisième assise, rahimahullah, il a cité ma yata'allaq bi al-ashr al-awsat, les 10 jours, la moitié de Ramadan, et du 10 au 20. Ce livre, on répète, c'est pas fi ahkam Ramadan, il va pas citer les ahkam, il cite ce qui s'est passé dans ce mois, et les bienfaits qu'il y a dans ce mois. Enfin, dans cette deuxième partie, du 10 au 20, on a des adillah, on a certaines choses, elles se sont passées. On a, il va citer deux points. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الرسول عليه الصلاة والسلام عمل في الاعتكاف du 10 au 20 et كذلك cette période cette moitié de Ramadan autour du 17 du 18 il y a eu une célèbre bataille غزوه بدر فالحافظ ابن رجب رحمه الله va citer ces deux points dans ce majlis فنقرا وبالله التوفيق قال في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى اذا كانت ليله 21 وهي الليله التي يخرج في صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر فالنبي صلى الله عليه وسلم au départ il avait fait l'i'tikaf et l'i'tikaf c'est le fait de rester au masjid. On avait expliqué dans certains durous, le chapitre du Siyam, on avait cité ou dans d'autres durous. C'est le fait de rester au masjid et de ne pas sortir, nuit et jour. Et l'i'tikaf, il est lié au Siyam. Le mu'taqif, il fait le Siyam. La sunna, c'est de faire l'i'tikaf au Ramadan. Et l'i'tikaf, ça se fait au masjid. L'i'tikaf dans les maisons, c'est pas permis. Là, l'i'tikaf, c'est fait le masjid. والعكوف c'est le fait de rester à côté d'une chose فالاعتكاف c'est le fait de rester au masjid et الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاعتكاف il est مشروع في المساجد الثلاثة وفي غيرها لأن بعض العلماء يقولون أن الاعتكاف c'est خاص pour المساجد الثلاثة الحرم أي في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والقدس بيت مسجد بيت الأقصى لكن الصحيح c'est que c'est global à tous les messages. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 donc du 10 au 20 قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. Ça, ça nous montre أن السنة والأفضل c'est de faire l'اعتكاف les 10 dernières nuits. قال عليه الصلاة والسلام وقد quand on dit les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours et nuits bien sûr, et c'est permis كذلك les 10 dernières nuits. L'i'tikaf, c'est pas forcément les 10 dernières nuits. Là, tu peux faire l'i'tikaf un jour, deux jours, ou deux nuits, ou trois nuits. C'est pas l'azim de faire les 10 dernières nuits. قال وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها أي ليلة القدر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. Ça, ça nous montre que parmi les objectifs de l'i'tikaf, c'est de rechercher ليلة القدر. لماذا لأن ليلة القدر المؤمن il doit faire des efforts خاصة les nuits les 10 dernières nuits de Ramadan فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il faisait l'i'tikaf pour faire beaucoup plus d'efforts il reste qu'au masjid il est dérangé par personne il a akhir celui qui peut faire c'est une sunnah فيها أجر عظيم قال الإمام ابن رجب رحمه الله فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيني أو بلتو هذا سكلام أبو سعيد رضي الله عنه راوي الحديث فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. Ça, ça nous montre أن ليلة القدر c'est pas forcément la nuit du 27. لأن النبي صلى الله عليه وسلم il a vu en rêve أن la nuit du destin ils feront الصلاة et dans le masjid il y aura de la pluie. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur son front, il y aura de la boue. Li'annahu, il fera sujoud. Abu Sa'id, radiyallahu anhu, il rapporte, annahu, il a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans cet état, le matin de la 21e. Et il a, après la 21e nuit, fi sabah. Ça, ça nous montre, anna laylat al-qadr, ça peut être la 21e nuit. Ça peut être la 23e, ça peut être la 25e, ça peut être la 27e. Et le plus souvent, c'est la 27e. Lakin, ne pas comprendre comme certains ils ont compris, la nuit du destin c'est que le 27 et faire des efforts que le 27. Là, falihada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf les 10 dernières nuits pour essayer de trouver cette nuit et faire des efforts, hatta on a la récompense. Famine al-khata, c'est de faire des efforts que la 27e nuit et les autres nuits c'est des nuits comme les autres. Là, les 10 dernières nuits on doit faire des efforts, les nuits impaires, akthar. Le 27 encore plus. Wal-Hafid ibn Hajar rahimahullah, il a démontré anna laylat al-qadr tantaqil. Et on a des preuves, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la nuit du destin s'est déjà tombée la 21e nuit. Il y a des autres preuves qu'elle est tombée dans d'autres nuits. Ça nous montre que laylat al-qadr fil haqiqa, elle se déplace. Et fiyada yu al-hikma azima. Al-ulama cite anna la sagesse. Pourquoi ? C'est pas toujours la même nuit. Hatta on fait des efforts les 10 dernières nuits. Wa illa ça serait toujours la même nuit. Mathalan le 27, peut-être que on ferait beaucoup moins d'efforts les autres nuits. C'est ce qu'il se passe. Il y en a beaucoup de nas qui pensent que la nuit du destin c'est que le 27. Kathir min haoula ils font des efforts que le 27. Alors que là tantaqil, on fait des efforts surtout les 10 dernières nuits et surtout les nuits impaires. Qawluhu wa qad رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها. C'est ça le rêve qu'il a fait, عليه الصلاة والسلام. Et Abu Sa'id, il l'a vu la 21e nuit dans cet état, ça montre que c'était ليلة القدر. قال رحمه الله الحافظ ابن رجب هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من شهر رمضان لابتغاء ليلة القدر فيه وهذا السياق يقتضي أن ذلك تكرر منه. Au départ, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'i'tikaf du 10 au 20. Thumma, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé de faire l'i'tikaf les 10 dernières nuits. قال وفي رواية في الصحيحين في هذا الحديث أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الأوسط ثم قال إني أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف فاعتكف الناس معه. Au début, il faisait les 10 premières nuits. Thumma, il faisait la deuxième dizaine, du 10 au 20. Thumma, le Nabi sallam, il leur a montré que la nuit du destin, c'était les 10 dernières nuits, et il les a encouragés à faire l'i'tikaf, et ils ont fait l'i'tikaf les 10 dernières nuits. Enfin, celui qui fait le mois entier, fa c'est mina sunnah, celui qui fait les 20 dernières nuits, 20 derniers jours, kadhalik, il y a des preuves, et celui qui fait les 10 dernières nuits, les 10 derniers jours, fahada, c'est tayyib. Chacun selon sa capacité, et les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits, le Nabi sallam il a encouragé akthar. قال وهذا يدل على ان ذلك كان منه قبل ان يتبين له انها في العشر الاواخر ثم لما تبين له ذلك اعتكف العشر الاواخر حتى قبضه الله عز وجل. نعم, فهذا ça montre que les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits de Ramadan, c'est afdal. قال كما روى عنه عائشه وابو هريره وغيرهما رضي الله عنهما. Donc premier point de cette assise, on a celui qui peut faire l'i'tikaf fi hadha ash-shahr, c'est tayyib, c'est une sunna fiha ajrun adhim. Lakin dans beaucoup d'endroits, les masajid y ferment et ils restent pas ouverts nuit et jour pour pouvoir faire l'i'tikaf. Enfin, celui qui ne peut pas, aslan c'est pas obligatoire. Même si le masjid il est ouvert et l'insan il fait pas l'i'tikaf, voilà chi ali. Lakin celui qui a la niya, il aimerait, là, qu'il ne trouve pas de masjid dans sa ville, il y en a tous les masajid différents. فَلَعَلَّهُ يُؤْجَرُ يُؤْجَرُ بِنِيَّتِهِ. C'est pour ça que c'est important d'avoir l'intention de faire du khayr. مثلاً, واحد, il espérerait faire l'i'tikaf. Ne pas sortir du masjid pendant les 10 dernières nuits, lire le Coran, faire des efforts, faire le salat, il a akhiré. Lakin, il ne peut pas, il y en a le masjid, il ferme. Avec sa niya, il aura une récompense énorme. قال رحمه الله وقيل تسعة عشرة والمشهور أنها كانت ليلة سبعة عشرة كما تقدم. On résume هنا. On lira pas tout, il a cité al-khilaf quand est-ce que la bataille de Badr a eu lieu. Donc après avoir cité l'i'tikaf et on a fini, on passe au deuxième point, Ghazwat Badr. فقال هنا والمشهور أنها كانت ليلة سبعة عشرة كما تقدم وصبيحتها هو يوم الفرقان. Donc هو يقول أن غزوة بدر elle a eu lieu le 17e jour de Ramadan. Et les ulama ils ont beaucoup de aqwal fi hadha. فالله أعلم. على كل حال c'est sûr que c'était pendant Ramadan. Et بعضهم ils ont dit le 17, بعضهم ils ont dit des autres jours. لكن هذا القول كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله مشهور. Beaucoup d'historiens كالحافظ ابن كثير وغيره أصحاب السير ceux qui citent des biographies ils ont cité que غزوة بدر avait eu lieu إما le 17 إما un autre jour. على كل حال elle s'est passée pendant رمضان. قال هو يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والسمي يوم الفرقان لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل. Ce jour, ils l'ont appelé Yawm al-Furqan. Al-Furqan, c'est le discernement séparé entre deux choses. Et ils ont appelé هذا اليوم يوم الفرقان لماذا؟ لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل ونصر فيه الموحدين على المشركين. Ce jour, ولله الحمد, المؤمنون, ils ont pris le dessus sur المشركون في بدر et Allah سبحانه وتعالى نصرهم. Ça a été un fait عظيم pour l'islam. Cette bataille. C'est pour ça que ceux qui ont assisté à cette bataille, ils ont un rang élevé du thème. Ils sont mieux que ceux qui n'ont pas assisté, qui sont venus après. Min ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Qala wa adhara al-haq wa ahlahu ala al-batil wa hizbih wa ala kalimatullah wa tawhiduhu wa dhulla a'da'uhu min al-mushrikin wa ahli al-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala fi dhalika al-yawm il a élevé al-mu'minin. الموحدين إلى غبسي المشركين وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة لا دوزيام أني دو ليجيو. دونك الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام يزيتي في المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة في ربيع الأول في أول سنة من سنة الهجرة ولم يفرض رمضان في ذلك العام لأن رمضان سيدوبني أوبليغاتوار لا دوزيام أني. Et cette deuxième année, il y a eu Ghazwat Badr. C'était le premier Ramadan obligatoire. Et كذلك, ils ont combattu les mushrikin fi Badr. ثم صام عاشورا وفرض عليه رمضان في ثاني سنة فهو أول رمضان صامه وصامه المسلمون معه. Donc Ramadan, il a été rendu obligatoire la deuxième année de l'Hijra. ففي مكة, il n'y avait pas صيام رمضان. قال ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب عير من قريش قدمت من الشام إلى المدينة في يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلت من رمضان وأفطر صلى الله عليه وسلم في خروجه إليها. قريش les habitants de Mecca ils faisaient beaucoup de commerce في الشام l'actuelle Syrie, Palestine et la Akhira et ils passaient pas loin de Medina لأن la route Mecca au nord il y a le Medina et au nord de le Medina il y a Asham, l'actuelle Syrie, la Palestine, la Jordanie et la Akhira. Fa Quraysh faisait beaucoup de commerce fi Asham et ils revenaient al-ir c'est les caravanes leurs chameaux il Akhira et ils venaient avec beaucoup de marchandises. Les Quraysh ils faisaient du commerce, c'était des commerçants. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a décidé de attaquer haoula pour prendre leurs biens. لماذا قال الحافظ رحمه الله on lit son kalam. قال ابن المسيب رحمه الله قال عمر رضي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوتين في رمضان يوم بدر ويوم الفتح. Donc رمضان ils ont fait deux غزوات يوم بدر la deuxième année de l'hégire et يوم الفتح des quelques années plus tard. وافطرنا فيهما ça montre في الجهاد c'est permis الافطار. Et kadalik fi safar. Et en général, ces ghazawat, ils étaient fi safar. لأن الغزوات en général c'était pas في المدينة ils sortaient de المدينة. على كل حال المسافر المجاهد ils font partie de أهل الأعذار. لماذا؟ لأن الجهاد المسلم il a besoin de قوة pour combattre l'ennemi. فلهذا شرع للمجاهد même s'il n'est pas voyageur c'est permis qu'il mange pour se renforcer et rattrape les jours qu'il a manqué. وكان السبب خروجه حاجة أصحابه خصوصا المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون وكانت هذه العير فيها أموال كثيرة لأعدائهم الكفار الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ظلما وعدوانا كفار قريش ils ont chassé الصحابة رضي الله عنهم ils les ont torturés إلى آخره حتى الصحابة رضي الله عنهم ils ont fait الهجرة إلى المدينة et ils ont délaissé leurs biens leurs maisons إلى آخره في مكة. Donc la justice, c'est que As-Sahaba radiyallahu anhum ils récupèrent une partie de leurs biens que Quraysh ils l'ont pris injustement. فلهذا قال كما قال الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أموال هؤلاء الكفار الظالمين المعتدين على أولياء الله وحسبه وجنده لأن المهاجرون on est la deuxième année de l'Hijra là. Il y a que un peu moins de deux ans ils ont fait l'Hijra deux ans là, ou un peu moins et là chaque année ils ont délaissé maison ils ont délaissé leurs biens et l'akhirah ils avaient beaucoup de besoins. فالرسول صلى الله عليه وسلم il a décidé de surprendre Quraysh quand il revenaient du Cham avec leurs marchandises, ils avaient une énorme caravane avec des chameaux, des biens, et ils ont décidé de leur prendre leur amwal. Ça c'est min al-adl. Ça fait partie de la justice. Annahum, ils ont subi une injustice énorme, ils ont le droit de récupérer leurs biens. فَلِهَذَا قَالَ عَزَّ وَجَلْ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُونَ أُذِنَ et Allah il leur a permis هذا. Et ça c'est min al-adl. Ça fait partie de la justice. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أموال هؤلاء الكفار الظالمين المعتدين على أولياء الله وحزبه وجنده فيردها على أولياء الله وحزبه المظلومين المخرجين من ديارهم وأموالهم ليتقووا بها على عبادة الله وطاعته وجهاد أعدائه. Donc le but c'était de prendre ces biens pour les redonner aux muhajirons qui ont été injustement chassés par Quraysh et ils ont perdu leur maison et leurs biens. قال وهذا مما أحله الله لهذه الأمة فإنه أحل لهم الغنائم ولم تحل أحد قبلهم. Ça c'est من خصائص هذه الأمة. Cette umma, ils ont droit de profiter du butin en temps de jihad. S'ils attaquent un ennemi, bien sûr un jihad mashrou', un jihad légiféré, enfin c'est permis de prendre les biens des ennemis de l'islam. قال ولم تحل أحد قبلهم. Ça c'est une khasa'iz hadhihi al-umma. Amma les communautés avant nous, ils n'avaient pas le droit à ça. قال وكان عدة من معه 319. الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة, une partie ils étaient min al-muhajirin, ceux qui ont fait l'hijra, et une autre partie min al-ansar, les habitants de Médine, ils étaient un peu plus de 310. رضي الله عنه. وكانوا على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جازه معه إلا مؤمن. وفي السنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في 315 من المقاتلة. Dans cette riwaya, 315, c'est précisé. كما خرج طالوت فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجوا قال اللهم إنهم حفاة فاحملهم وإنهم عراة فاكسهم وإنهم جياع فأشبعهم. ففتح الله يوم بدر فانقلبوا حين انقلبوا وما فيهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جملين واكتسوا وشبعوا. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم il a fait دعاء pour الصحابة أنهم ils prennent le dessus à l'al-kuffar et ils profitent de ses biens et Et le rapporteur du hadith, il rapporte annahum, quand ils sont revenus de Badr, ils avaient tous un chameau ou deux, et ils avaient des biens, et ils avaient mangé, ila akhir. Fathun min Allah. Wa kana ashabu nabi sallallahu alayhi wa sallam, hina kharaju ala ghayatin min qillati al-dhahr wa al-zad, fa innahum lam yakhruju musta'iddina lil-harb, ou li-harb. Annahum, quand ils sont sortis min al-Madina, c'était pour intercepter le convoi, les caravanes, les chameaux, ila akhir, de Quraysh. Et ils n'avaient pas l'intention de les combattre. Qala, wala al-qital. Et c'était pas prévu, hada. C'était prévu qu'ils prennent les biens et ils les laissent partir. Qala, innama kharaju li talab al-ir, fa kana ma'ahum nahu 70 ba'iran. Ils avaient que 70 chameaux, les sahaba. Ils étaient 315 à peu près et ils avaient 70 chameaux. Qala, ya'taqibunaha baynahum, kullu 3 ala ba'ir. Ils étaient à peu près 3 sur un chameau. Et ils tournaient. Wahad il montait, wahad il deux ils marchaient et ils se reposaient hakada. Qala wa kana lin nabi sallallahu alayhi wa sallam zamilan fa kanu yata'aqabuna ala ba'ir wahid fa kana zamilah yaqulan lah ya rasul allah irkab hatta namshi ank fa yaqul ma antuma bi aqwa ala al mashi minni wa la ana bi aghna 'an al ajr minkuma. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ses deux compagnons lui ont proposé que c'est lui qui reste au-dessus du chameau et eux ils marchent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a refusé. Il leur a montré qu'il avait plus de force qu'eux, il avait plus de capacité qu'eux, et kadhalik, il espérait la récompense. Ça nous montre at-tanafus 'anil khayr. Ils s'encourageaient, se concurrençaient dans les bonnes œuvres. Wa lam yakun ma'ahuma illa farasan wa qil thalatha. Ils avaient que deux cavaliers et deux chevaux, ou trois. وقيل فرس واحد للمقداد. Et dans une riwaya, avec un cheval, c'était celui de Al-Miqdad رضي الله عنه. وبلغ المشركين خروج النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العير. L'information que Nabi صلى الله عليه وسلم il allait intercepter le convoi de Quraysh qui revenait du Sham avec toutes les marchandises, c'est parvenu à Quraysh à Mecca. فأخذ أبو سفيان بالعير نحو الساحل وبعث إلى أهل مكة يخبرهم الخبر ويطلب منهم أن ينفروا لحماية عيرهم فخرجوا مستصرخين. أبو سفيان à cette époque il n'était pas encore rentré dans l'islam, il a décidé de contourner, au lieu de venir proche de Medina, il a décidé de contourner, de passer vers la mer, et la mer rouge, ce qu'on appelle nous actuellement la mer rouge, et il a contourné minhuna, et il a كذلك informé, il a demandé à Quraysh qui est à Mecca de se précipiter à les rejoindre pour protéger, pour préserver leur convoi et toutes leurs marchandises. قال وخرج أشرافهم ورؤساؤهم تأملوا الحكمة. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a قدر هذا. أما رؤساؤهم تظن أن لتد قريش. Le responsable, qu'Abi Jahl il a agré, haoula, en général, ils n'allaient pas faire du commerce, ils envoyaient les autres, à Bu'afa. Lakin, arad Allah subhanahu wa ta'ala, anna haoula, ils assistent. Allez, hada, toute cette histoire, ils ont demandé à Ashrafuhum ou Ru'assa'uhum, et ceux qui avaient un haut rang, qu'Abi Jahl il a agré, de se rendre à cet endroit pour protéger le convoi, les Anna, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhu, ils se dirigeaient vers eux pour récupérer ses biens. Qala wa saru nahwa Badr. Ils se sont dirigés vers un endroit qui s'appelle Badr. C'est pour ça qu'on l'appelle Ghazwat Badr. Wa istashara Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-muslimin fil qital. Thumma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a su hada, il s'est concerté avec Sahaba sur le fait de combattre haoula. Vu qu'ils se sont rassemblés l'un pour protéger l'ir, imma il les laisse passer, imma il les combattent. Qala fatakallama al-muhajirun fasakata anhum wa innama kana qasduhu al-ansar li'annahu dhanna annahum lam yubay'uhu illa ala nusratihi ala ma qasada fi diyarihim. Amma al-muhajirun fa ils avaient fait le bay'a au prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahum ils le suivent, ils le protègent bi idnillah, ils combattent ila akhire. Amma al-ansar fa nabi sallallahu alayhi wa sallam au départ il s'est tué, li'anna al-ansar ils avaient promis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'accueillir chez eux. Amma al-qital, combattre, c'est autre chose. Fali hadha nabi sallallahu alayhi wa sallam au départ il s'est tué. Wa innama kana qasduhu al-ansar li'annahu dhanna annahum lam yubay'uhu illa 'ala nusratihi 'ala ma qasadahu fi diyarihim. Fa qama Sa'd ibn Ubadah sayyid al-Khazraj radiyallahu anhu. Sa'd ibn Ubadah, il fait partie des Ansar, Et c'était le chef de la tribu des Khazraj. Ta'alamoun en al-Ansar, il y avait deux grandes tribus, al-Aws ou al-Khazraj. Et Sa'd ibn Ubadah, c'était Sayyidu al-Khazraj. Faqala iyana turid, yani al-Ansar, ou alladhi nafsi biyadeh, لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها. Il a juré, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu nous demandes de traverser la mer, on la traversera. Et il a montré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne ton ordre. Si c'est le qital, c'est le qital. Et inshallah, on te suit. Ça montre fadl haoula. Al-Ansar, ils ont des fadha'il azim. Ils ont accueilli le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ils l'ont soutenu dans toutes les ghazawat jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا برك الغماد ça doit être un endroit. Et قال هذا خرجه مسلم الحديث وقال له المقداد لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إن ها هنا قاعدون أي المقداد رضي الله عنه. Un autre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on te dira pas comme ils ont dit, Banu Israël les Moussa. Banu Israël, qu'est-ce qu'ils avaient dit les Moussa? Idhab anta wa rabbuk faqatila. Ils ont dit à Moussa, va toi et Allah combattre, et nous on vous attend ici. Ayyadam billah. Amma sahaba radiyallahu anhum abatan. Ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu les combats, on les combat. قال ولكن نقاتل عن يمينك وشمالك وبين يديك ومن خلفك فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك واجمع على القتال. النبي صلى الله عليه وسلم après avoir entendu ces paroles, il a été très content et ils ont tous décidé de combattre كفار قريش. قال وبات تلك الليله ليله الجمعه 17 رمضان اي la 17e nuit de Ramadan. Donc la journée de Badr, ça va être la 17e. On a déjà cité, on a les mois arabes, la nuit elle passe avant le jour. Maintenant, cette nuit, nous on va être peut-être le 30 de Sha'ban. Demain, ça sera le 30. Aujourd'hui, on est le 29. Enfin, si aujourd'hui, jusque là, on est après l'Asr, on est le 29, après le Maghrib, c'est le 30. Enfin, si aujourd'hui, on est le 29, cette nuit, on est le 30. Et demain, la journée, on sera le 30. Donc, la nuit du 17, donc Ghazwat Badr, ça va être le lendemain, la journée le 17. قال بات تلك الليلة ليلة الجمعة 17 رمضان قائما يصلي ويبكي ويدعو الله ويستنصره على أعدائه. Et ça c'est من أسباب النصر. أما le fait de penser que l'insan il va avoir le dessus sur les ennemis par ses compétences ou ses forces ou ses armes, ça c'est le خذلان. أما المؤمن الصادق il prend exemple sur le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Toute la nuit, il a fait dua. لماذا لأن المنصور c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala il secourt. Si Allah subhanahu wa ta'ala il secourt, هؤلاء ils seront secourus, ils auront la victoire. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a appuyé, il a insisté sur la principale cause, الدعاء. قال وفي المسند عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لقد رأيتنا وما فينا إلا النائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait du'a jusqu'au matin. وَفِيهِ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ أَصَابَنَا طَشٌ مِنْ مَطَرْ يَعْنِي لَيْلَةَ بَدْرٍ فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَفِ نَسْتَظِلْ بِهَا مِنَ الْمَطَرِ وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَدْعُوا رَبَّهِ. حتى هذا المطر يبقى une حكمة عظيمة. أنه سفاسيتي au croyant. Et Kuffar Quraysh, ils ont eu beaucoup de mal à se déplacer à cause de cette pluie. Minallah, Azza wa Jal. Ça montre que le mu'min yatawakkal ala Allah. Yatawakkal ala Allah, il fait les causes légiférées et Allah subhanahu wa ta'ala yansoura. Amma trop réfléchir et penser que ça ne marchera pas et faiblir, ça pousse les gens à reculer. Ondur haoula, ils n'avaient pas l'intention de combattre au départ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité un Quraysh, l'information, elle leur vient et ils se déplacent à cet endroit. Hatta sahaba, ils les trouvent tous هناك, ou la plupart, khasatan al-ru'us, leur chef. Et كذلك, cette pluie dans la nuit. Haqiqa, c'est une préparation du terrain pour sahaba radiyallahu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala, il a leur facilité akthar. Et كذلك, kama sayati, nasarahum bil malaika. Pendant la bataille, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des anges. Ils ont combattu ma'ahum. فالنصر من الله سبحانه وتعالى. قال: وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: إن تهلك هذه الفئة لا تعبد. C'était le groupe des croyants qu'il y avait sur terre. As-Sahaba radiyallahu anhum avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient fait le hijra la plupart avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil Medina. Et c'était ce groupe qui restait sur terre. Amma le reste, ayyadan billah, ils étaient à la volée. Falihada qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in tuhlik hadhihi al-fi'a la tu'bad. Qala, falamma an tala'a al-fajr nada as-salata ibadallah. Faja'a an-nas min tahti al-shajar. والحجف فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على القتال. تعمد هذا ميم ان طون جهاد انهم الصلاه الصلاه لوغ سلوغ. اما في اون ايبوك نحن الان يتكلمون في الجهاد خاصه قضيه فلسطين يبارل دو كومباتر لينمي الى اخره. اي زون بلي اون دي برانسيبال كوز بور اتر سكورو الصلاه. سيغتان يبارل دو جهاد الى اخره والله بعضهم لا يصلي. وبعضهم يسدمون مي بوركو لي جويف ايزون بري سيت تير اي بوركو انا دي فيبلس والله بعضهم لا يصلي اي سيغتان يفون صلاه لكن با ا لور اي سون با سيريو لا بروميير شوز جاهد نفسك فلو جهاد تون نفس في الصلاه ا لور اي بور لي زوم مسجد ديك تو اريورا هذا الحمد لله ابرون طون دين اي تو بورا بونسي اوز ايتاب سويفونت اي فوز افي رماركي كو سا في دي زاني كو نبي صلى الله عليه وسلم لا رسول ميساج اون اي لا دوزيام اني دي ليجير اي نبي صلى الله عليه وسلم الى في رسول ميساج 15 ans auparavant, ou 14 ans, hein? 13 ans à Mecca, et les 2 ans de l'Égypte, ça fait déjà 15 années. C'est au moins une des premières batailles. Ça montre un al-jihad. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a éduqué haoula. On voit, quand il leur a, il s'est concerté ma'ahoum pour quitter le Quraysh, pas un d'eux, il a demandé de ne pas combattre ou de faire demi-tour. Abadan. Les 300 et quelques qui sont sortis, et ils ont fait le jihad ma'ah. Et ils ont eu le dessus les mains, les Al-Nahoum, ils étaient prêts. Est-ce qu'un de Ha'oulal, un, il ne faisait pas salat ? Ma'ad Allah. Tous faisaient salat, ma'ad Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à l'heure, en groupe. Tous une bonne aqida, ils espéraient le secours min Allah. Tous, ils étaient à la sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hadha, qala al-imam Shanqiti rahimahullah, quand il parlait dans un de ses livres du djihad, il a fait le lien avec la barbe, et il a démontré un. Pas un de ceux qui ont fait le jihad avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils se taillaient la barbe, ils se rasaient la barbe. Pour vous montrer, ils appliquaient sunnah. Mais tu trouves le barbe, ils ressemblent aux ennemis de l'islam en apparence, et ils se demandent pourquoi les ennemis de l'islam, ils ont le dessus. Différencie-toi de Awulan en apparence. Si tu te différencies en apparence, ça montre que tu les détestes au fond de toi. Et, inshallah, étape après étape. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avec les sahaba, tawhid, wa'ilm, hijra, ila akhire, 13 ans à Mecca, 2 ans à Medina. Ça fait à peu près 15 ans. Combien nous faut, nous nous faut des années, kadhalik, pour se purifier, pour apprendre notre aqida. Hatta le jour où le gouverneur musulman, il appelle au jihad, la umma, elle est prête, vous verrez que ça ira tout seul. Amal'an, qu'est-ce qu'ils font, les ils critiquent le gouverneur. Alors qu'eux-mêmes, ils ont des faiblesses. Wallahi, ba'adoum, ils ont des faiblesses plus que le gouverneur. Lakin, c'est la facilité, accuser l'autre. Là, chacun fait des efforts sur soi. Et c'est pour ça que lire ces passages de la biographie, c'est pour se remettre en question. لأن الجهاد حكم شرعي إلى أن تقوم الساعة إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. لكن pourquoi nous avons du mal à l'appliquer l'un ? لأن il y a des manquements. Et en étudiant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te corriges. فالآن استفدنا أن النصر من الله كذلك استفدنا وسيأتي معنا أن le nombre c'est pas le problème. الصحابة ils étaient 300 un peu plus de 300 قريش سيأتي معنا ils sont des milliers. كذلك الدعاء كذلك في الصلاة عليه نستفيد هذا. قال وأمد الله تعالى نبيه والمؤمنين بنصر من عنده وبجند من جنده كما قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Ça nous montre on ne doit pas se faire avoir ou être épaté, effrayé par la force des kuffars. Anahum, ils ont inventé telle arme. Anahum, ils sont nombreux. Anahum, ba'd al-muslimin, ils ont désespéré. Les ma'adha, les anna y'a un dha'f. Fil mu'taqad, un dha'f, fil iman. Allah subhanahu wa ta'ala, il est qadir d'aller entier al-kuffar et junoud al-kuffar et leurs armes en disant kun fayakun. Et kadhalik, il est capable d'aider les mu'minin avec le malaika. Les mu'minin, ils prendront très vite le dessus si tu as des anges avec toi. Ça nous montre qu'on a s'attaché au matériel, penser que la victoire c'est forcément dû au matériel. Ça, c'est une mauvaise aqide. قال وفي صحيح البخاري أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. جبريل il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم qu'est-ce que vous pensez de ceux qui ont participé à Badr. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a répondu à جبريل من أفضل المسلمين, ils font partie des meilleurs musulmans. قال جبريل وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. جبريل il a répondu au prophète صلى الله عليه وسلم nous aussi parmi les anges, ceux qui ont assisté à Badr, ils font partie des meilleurs anges. Ça nous montre que هؤلاء ils ont un fadl azim. وقال الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. Ils étaient قوي في دينهم وفي عقيدتهم, لكن ils avaient des manques niveau matériel, niveau nombre, niveau monture, niveau chevaux, ils avaient un grand manque. مع هذا الله سبحانه وتعالى نصرهم. قال وقال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. Ça nous montre أن التوكل c'est على الله. C'est بيد الله عز وجل النصر. Nous ce qu'on fait c'est des causes فقط. وإلا فسي الله سبحانه وتعالى كي مكن المؤمنين على هؤلاء. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قال اللهم إن هؤلاء قريش قد جاءت بخيلائها يكذبون رسولك فأنجز لي ما وعدتني. فأتاه جبريل فقال خذ قبضة من تراب فارمها بها فارمهم بها. فأخذ قبضة من حصباء الوادي فرمى بها نحوهم وقال شاهت الوجوه. Ça c'est un سبب فقط. أما في الحقيقة qu'est-ce qu'une poignée de terre ou de sable et tu la jettes en direction des ennemis, qu'est-ce que ça va leur faire? لكن ça c'est pour montrer une faïda عظيمة أن المؤمن doit faire la cause. Et un nasr c'est bi yadillah. فلهذا الله سبحانه وتعالى نصره بهذا. قال فلم يبقى مشرك إلا دخل في عينيه ومنخره وفمه شيء ثم كانت الهزيمة. Chaque mushrik il a reçu de ce sable, de cette terre dans ses yeux et dans son nez. Et ils ont commencé à faiblir et as-sahaba et rasoul sallallahu alayhi wa sallam ils ont eu le dessus. Cette histoire elle est madhkoura kathiran fi kutub as-siyar. كذلك قوله اللهم إن هؤلاء قريش قد جاءت بخيلائها كبر. الكفار عند الحروب ils ont du كبر. Ils pensent que c'est grâce à eux, à leur force, et ils se reposent que sur leur armement, sur leur force, sur leur stratégie. لماذا؟ لأنهم c'est des كفار. أما المؤمنون on doit faire attention. C'est une عبادة عظيمة. هم يفنسون هم يكمبات الكفار من أجل الدنيا أو parce qu'ils détestent les croyants أو pour un profit de الدنيا. أما المؤمن يفوت باكي لوبلي كل جهاد سي اون عباد عظيم سي بور سو رابروشي دو الله سي بور سا كو المجاهد لي غانيون لي غانيون دون تو لي كا سي لا لا فيكتوار الحمد لله ربما غنيمه عزه الى اخره لو بوتان اي اي لي فيير دتر مؤمن اي رابس لي كفار الى اخره سي ما الشهاده لو مارتير. قال وقتل الله صناديد كفار قريش يومئذ منهم عتبه ابن ربيعة والشيبة شيبة ابن ربيعة كذلك والوليد ابن عتبة وأبو الجهل وغيرهم. هؤلاء من رؤساء من صناديد قريش parmi les chefs, les têtes de كفار قريش. هؤلاء الأربعة ils sont tous morts في بدر. قال et après leur mort قريش ils ont été affaiblis جدا. تعلمون أن un peuple quand il perd ses leaders et la akhiri il faiblit. فهؤلاء ils en ont perdu beaucoup le jour de Mecca. C'est pour ça qu'ils ont voulu se venger يوم أحد quelques temps après la bataille de أحد. قال وقصة بدر يطول استقصاؤها وهي مشهورة في التفسير وكتب الصحاح والسنن والمسانيد والمغازي والتواريخ وغيرها. وإنما المقصود ها هنا التنبيه على بعض مقاصدها. وكان عدو الله إبليس قد جاء إلى المشركين في صورة سراقة بن مالك وكانت يده في يد الحارث بن هشام وجعل يشجعهم ويعدهم ويمنيهم. نعم يذكرون كذلك في كتب السيرة أن إبليس عدو الله il est venu le jour de Badr, il a encouragé Kuffar Quraysh. Et il les a encouragés à combattre. Il leur a promis, non, ils auront le dessus, la akhiré. Et il est venu sous l'apparence d'un homme. Suraqa ibn Malik. قال وجعل يشجعهم ويعيدهم ويمنيهم فلما رأى الملائكة هرب وألقى نفسه في البحر وقد أخبر الله عن ذلك بقوله وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس انظر إبليس comme il gonfle ses suiveurs أي personne ne peut avoir le dessus sur vous اليوم قال عز وجل وإني قال وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون الإمام ابن كثير رحمه الله وغيره من المفسرين يسيت هذا الحديث قصة إبليس le jour de Badr ils disent que le verset il a été révélé في هذا فالله أعلم ثم قال ولا يزال إبليس يرى في مواسم المغفرة والعتق من النار ما يسوءه فيوم عرفة لا يرى أصغر ولا أحقر ولا أدحر فيه منه لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب والعظام إلا ما روي يوم بدر إبليس عدو الله لا يفرح لا يفرح quand المؤمنون ils ont le dessus في الجهاد كذلك كذلك يحزن حزنا شديدا dans les مواسم de مغفرة كرمضان كيوم عرفة إلى آخره vu que Allah سبحانه وتعالى pardonne à beaucoup de croyants فإبليس عدو الله هذا ça le rend triste قال ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين ولمسلم وفتحت أبواب الرحمة وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين هذا pour montrer أن الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام هذا الشهر المبارك il donne le dessus aux croyants sur le shaitan فلهذا ce mois الشياطين المردة ils sont enfermés ثم قال On conclut à هذا المجلس الجميل قال الحافظ ابن رجب رحمه الله أبشروا يا معاشر المسلمين فهذه أبواب الجنة ثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت ونسماته على قلوب المؤمنين قد نفحت وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة تسن بشرى عظيمة في هذا الشهر dans lequel il y a eu lieu cette ghazwa azima, كذلك chaque mu'min il profite de هذا الشهر. لماذا؟ لأن les portes du paradis في هذا الشهر ils sont ouvertes. 8 portes. كذلك les portes de l'enfer elles se referment. وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. كذلك إبليس والشياطين المرادة ils sont enfermés, enchaînés في هذا الشهر. Tout ça pourquoi pour préserver le mu'minun. قال ففي هذا الشهر يؤخذ من إبليس بالثأر وتستخلص العصاة من أسره فما يبقى لهم عنده آثار صحيح. C'est pour ça que tu trouves أن المؤمنين ils ont beaucoup plus de facilité في رمضان de accomplir les ordres et de s'écarter des interdits. لماذا؟ لأن c'est un شهر فيه بركة عظيمة et الشياطين ils sont enfermés. قال كانوا أفراخه قد غداهم بالشهوات في أوكاره فهجروا اليوم تلك الأوكار نقضوا معاقيل حضونه بمعاول التوبة والاستغفار خرجوا من سجنه إلى حسن التقوى والإيمان صحيح أن سموا سكم المؤمن سيلة ليبيغي il était libéré de الشيطان لأن الشيطان خاصة celui qui a un إيمان ضعيف الشياطين ils essayent de prendre le dessus et lui font beaucoup de mal. هذا الشهر c'est le شهر الرحمة c'est un mois pour te rattraper أخي الكريم. Faire tawba, faire monter ton iman et continuer بعد رمضان. Et ça montre celui qui arrive à continuer l'amal بعد رمضان ça montre أن son رمضان ses œuvres elles sont مقبولة لماذا لأنه وفق comme il montre العلماء. لماذا لأن il arrive, il réussit à compte, à être régulier, ça montre أنه il était sincère et ses œuvres elles ont été acceptées. Ça c'est une force عظيمه Ramadan pour se remettre en question, pour un nouveau départ, at-tawba, l'istighfar et prendre des nouvelles résolutions et s'accrocher. قال خرجوا من سجنه الى حصن التقوى والايمان فامنوا من عذاب النار قسموا ظهره بكلمه التوحيد فهو يشكو الم الانكسار. Comme le jour de Badr, il a vu la défaite sous ses yeux et il a pris la fuite. Hakadha chaque Ramadan. Chaque Ramadan, il voit le mu'minoun faire tawba. Il voit le mu'minoun revenir au masjid, réécouter du Coran. Ba'adhum kam minan nas taqamu fi Ramadan. Et ils se sont accrochés. Alhamdulillah, ils ont délaissé beaucoup de péchés qu'ils faisaient. Et tout ça, la chaque anna shaitan, ça le rend malheureux. قال فهو يشكو ألم الانكسار في كل موسم من مواسم الفضل يحزن في هذا الشهر يدعو بالويل لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة الأوزار. تأملوا أو réfléchissez à l'état de Iblis في هذا الحال. أنه يسك في هذا الشهر الله سبحانه وتعالى يبعدنا beaucoup de monde, يجيد beaucoup de monde, et هو il peut pas faire partie de هؤلاء. لماذا؟ لأن الله لعنه وطرده. Et Iblis, il ne peut pas faire tawba. حكم عليه عز وجل بالانحراف والضلال بالنار. Et mourra à la هذا الحال. لحكمة الله سبحانه وتعالى يعلمها. فإبليس il sait qu'il ne pourra pas profiter de هذا. عيدا بالله. Et il le mérite, عدو الله. قال غلب حزب الرحمن وهرب حزب الشيطان فما بقي له سلطان إلا على الكفار عزل سلطان الهوى وصارت الدولة لسلطان التقوى فاعتبروا يا أولي الأبصار. أما الشيطان أما الكفار ils sont pas préservés. C'est pour ça que الكفار في رمضان leur cœur il reste dur. بل بعضهم ils se moquent de رمضان, ils se moquent de l'islam et leurs شياطين ils sont toujours معهم. فceux qui sont visés par هذا الفضل c'est المؤمنون et qui sont préservés par الشياطين. ثم قال هذا عباد الله شهر رمضان قد انتصف. On est arrivé à la moitié de رمضان, la troisième assise, et on a lu, يتعلق les 10 jours du milieu. فقال ابن رجب فهذا عباد الله شهر رمضان قد انتصف. On est arrivé à la moitié. فمن منكم حاسب فيه نفسه لله وانتصف. Ça, ça nous montre أن في هذه المواسم كذلك tu dois te remettre en question. Peut-être que la première semaine de Ramadan tu as été occupé par certaines choses, tu n'as pas fait certaines choses comme il fallait, tu as eu des manquements. فالاحتساب c'est moi. Chaque jour le soir تحتسب أو تحاسب نفسك. Et la première semaine, tu hasib nafsak, les 10 premiers jours, qu'est-ce que tu as fait? Summa, la moitié, qu'est-ce que tu as fait? Et tu t'encourages pour ce qu'il reste. C'est ça le but de cette nasiha. Qala, man minkum qama fi hadha ash-shahr bihaqqihi alladhi 'araf? Man minkum 'azama qabla ghalq abwab al-janna an yabni lahu fiha ghurafan min fawqiha ghurafun? Sahih. Celui qui pense à hadha, qui médite anna les portes du paradis elles sont. Fais tout pour pouvoir rentrer yawm al-qiyam. Et fais tout pour préparer ta place fi hadhihi al-jannah. Yanna al-a'mal as-saliha, c'est une cause pour être élevé en degré fi al-jannah et avoir beaucoup plus de récompenses. Enfin, ça doit être ça notre objectif fi Ramadan. L'objectif fi Ramadan, c'est pas perdre du poids, yadam billah. L'objectif fi Ramadan, c'est pas désintoxiquer son corps contre les microbes. Ba'dhum il pense qu'à ça et il le cite. Et ils insistent sur هذا. C'est pas ça le but de Ramadan. ربما واحد في الصيام et il meurt. Alhamdulillah, il est à la khayr. Le but de Ramadan, c'est pas après Ramadan, on est en meilleure santé. C'est pas ça le but. Même si Ramadan, walillahi alhamd, il y a des bienfaits niveau corps, il est à la khayr. Lakin, ça doit pas être ça notre objectif. Et on doit pas occuper les gens. بهذا. Khalas, tout le monde le sait. Celui qui mange pas, ça fait du bien à son corps. Khalas, on le sait, on avance. Al-Muhim, c'est ça. C'est penser à ces portes du paradis qui sont ouvertes pour pouvoir œuvrer et faire partie de ceux qui profiteront. Un mawahed qui a une mauvaise niya, il pense qu'à cela. Un nawi fait Ramadan pour perdre du poids ou pour éliminer les toxines, comme ayakouloun, kalam farir. Et sahih, il va faire Ramadan et il est en meilleure santé. Et après, il va mourir, il va mourir. L'essentiel, c'est de préparer après la mort. Enfin, attention à ça. Ba'd al-Muslimin, fi Ramadan, il parle que des bienfaits niveau corps. C'est pas ça le but. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala qala fi kitabihi al-karim kutiba alaykum ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Le but c'est at-taqwa. Son siyam, le but c'est pas de perdre du poids, d'éliminer des toxines, c'est pas ça le but. Le but c'est son siyam il va t'aider tattaqi Allah azza wa jalla akthar. Et son siyam il va t'ouvrir les portes. Fi dunya, les portes de la guidée et Inch'Allah ta'ala, les portes de l'Jannah yawm al-qiyam. Qala, ala inna shahrakum qad akhada fi naqs. La moitié, al-haqiqa, dès que tu arrives à la 15e nuit, la 15e journée de Ramadan, après ça commence à diminuer. Tu vas arriver, tu vas monter le 1, le 2, le 15, tu commences à diminuer. La lune, elle commence à diminuer. Arrivé le 15, c'est la pleine lune. Le 13, 14, 15, c'est la pleine lune. La lune, elle commence à diminuer. Enfin, on doit se poser des questions. Il reste que 15 jours. Et les 10 jours, les 10 dernières nuits, les plus importantes de l'année, elles arrivent. On doit se préparer. Al-Hadha, Shahru Ramadan, c'est pas que la préparation kadhalik de la nourriture. Bah, al-Muslimin, ils commencent une ou deux semaines avant Ramadan. Préparation, ils arrivent, ils oublient leur cœur. Ils remplissent les tables et ils sont occupés par At-Ta'a. Ramadan, c'est pas un mois pour manger. Vous avez remarqué que Ashab al-Dunya, ils en profitent là. Les grosses enseignes, ils en profitent. Tel hatta al-kuffar. Spécial Ramadan partout. L'imam, il y a des rentrées énormes d'argent. Ça doit être une force pour avoir le maximum de hasanat. Mais à manger, tu manges toute l'année. Qala. Et bien sûr, sans se priver, ça ne veut pas dire qu'on se prive. Là, c'est pas ça l'objectif. Tu peux très bien manger, alhamdoulilah, et celui qui est marié, sa femme, elle prépare un peu avant, ou celui qui n'est pas marié, il fait des courses un peu avant, et tu vas manger quelques minutes, tashbih, et t'en parles plus. Amma, penser à ça toute la journée, et occuper sa femme à ça, ou sa mère, et ne pas les conseiller, et faire que cela, ça c'est min al-hirman. Ça c'est min al-hirman. Ces gens-là, ils se privent eux-mêmes. قال الا ان شهركم قد اخذ في النقص فيزيد فزيد انت في العمل تامل cette nasihakum elle est courte kalam min dhahab ay le mois il va commencer à descendre la lune elle rétrécit il reste de moins en moins de jours anta fais des efforts augmente l'amal مثلا arrivé à la moitié de Ramadan tu lisais une page par jour de Coran. Tu lisais deux pas, tu lisais un hizb, tu lisais un juz, Allahu a'lam, chacun selon ses capacités, augmente, il ne reste plus rien. Fais des efforts, si on a la moitié, il reste 15 jours, ça passe très très vite à notre époque. Fais des efforts, augmente, et inshallah ça sera fini et tu auras ajr azim. Qala, faka'annakum bihi wa qad insaraf, sahih. Dès que tu arrives à la moitié, c'est comme si c'était fini. Vous avez remarqué, Ramadan, tu as la première semaine. La première semaine, c'est nouveau, il a akhiri. Tu commences la première semaine, dès qu'elle finit la première semaine, tu vas rentrer dans la moitié, la deuxième semaine, tu vas arriver à la moitié, khalas, ça passe très très vite. La deuxième semaine, quand elle est passée, la troisième semaine, elle arrive, khalas, le Eid, il rentre très très rapidement. Qala, fa kullu shahrin, fa asa an yakuna minhu khalafun, wa amma shahru ramadan, fa min ayn lakum min khalaf, minhu khalaf. Chaque mois, sahih, tu peux le remplacer. Mazalan, le mois de Shawwal, si tu n'as pas fait certaines choses, tu le feras de l'Qi'da, tu feras de l'Hijjah. Lakin Ramadan, c'est un mois où il y a Laylatul Qadr, c'est un mois où il y a les 10 dernières nuits, c'est un mois où l'invocation du jeûneur est acceptée, c'est un mois Sahur fihi Baraka, c'est un mois. Combien de choses que tu ne retrouves pas fi ghayr Ramadan. Amma Barakat Sahur, tu la retrouves fi Siyam al-Nafila, lakin pas comme fi Ramadan. Donc, c'est un char très très important. Quand il y a l'année prochaine, l'année prochaine, c'est long une année. Est-ce qu'on pourra jeûner? Est-ce qu'on sera vivant? Est-ce qu'on aura la capacité? Est-ce qu'on sera encore à la istiqama? Ça nous montre qu'on a fait des efforts. Et tu as fait une nasiha, je le fais des efforts comme si ça allait être le dernier. Si tu penses que ça peut être le dernier, tu vas faire beaucoup d'efforts. Peut-être que c'est la dernière nuit du destin que tu vas rechercher. Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. C'est mieux que 1000 mois. 1000 mois, ça fait un peu plus de 80 ans. 80 ans d'ibada. Peut-être que c'est la dernière fois. Donc fais des efforts. Et si l'année prochaine t'es encore en vie, alhamdoulilah, la même chose. فهكذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. On a fini المجلس الثالث et le prochain cours المجلس الرابع في ذكر العشر الأواخر. Ça sera sur les 10 dernières nuits et les 10 derniers jours. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.